L'actualité à Nancy et ailleurs. À Nancy, professionnels de santé et experts se réuniront le 20 novembre pour la 6e journée régionale du bon usage des antibiotiques. Docteur Florence Colla, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Centre régional en antibiothérapie du Grand Est qui organise donc cette journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif, en quoi consiste cette journée régionale du bon usage des antibiotiques ? Oui, bien sûr, volontiers. Donc moi, je suis pharmacien hospitalier et donc je pilote ce Centre régional en antibiothérapie du Grand Est qui a pour mission en fait de déployer les actions et la stratégie nationale pour la prévention des infections et la lutte contre l'antibiorésistance en France. Et nous, CRATB, Centre régional en antibiothérapie du Grand Est, nous sommes les acteurs de terrain pour déployer ces actions. Et parmi les actions que l'on déploie, on organise tous les ans, c'est la 6e année, une journée régionale de bon usage des antibiotiques qui a lieu donc jeudi prochain à Nancy, qui a pour objectif de mettre autour de la table tous les acteurs qui travaillent sur le bon usage des antibiotiques à l'hôpital, mais également dans les EHPAD, dans les cabinets des médecins généralistes aussi. Et donc, on réunit autour de la table tous ces acteurs, pouvoir échanger avec eux sur des outils et des projets que l'on a dans la région Grand Est. Alors, j'ai toujours ce souvenir du slogan du début des années 2000, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça avait marqué à cette époque, mais c'est encore utile et nécessaire aujourd'hui de rappeler le bon usage des antibiotiques en 2025. Tout à fait, oui. Les antibiotiques, c'est toujours pas automatique. Effectivement, les premières campagnes nationales avaient eu un impact sur les prescriptions antibiotiques avec une baisse des prescriptions antibiotiques dans les années 2005-2006. Mais les niveaux de prescriptions ont réaugmenté et sont à peu près stables actuellement, autant dans les hôpitaux qu'en soins de ville. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à mener nos actions et à échanger et à travailler sur ce sujet de l'antibiorésistance et du bon usage des antibiotiques. C'est un message qu'il faut faire passer auprès des professionnels, mais aussi des patients qui parfois n'imaginent pas qu'un antibiotique, c'est justement pas automatique. Effectivement, oui, tout à fait. C'est vraiment essentiel de lutter contre l'antibiorésistance. Il faut prévenir les infections, réduire leur transmission par les mesures d'hygiène comme le lavage des mains ou la friction hydroalcoolique des mains et par la vaccination également. Et il faut utiliser les antibiotiques que quand il faut et comme il faut. Et parce que une seule prise d'antibiotiques sélectionne des bactéries résistantes dans notre flore digestive, par exemple. Et donc, les antibiotiques ne sont toujours pas automatiques et tout le monde peut se mobiliser, tout le monde peut avoir des petits gestes au quotidien pour contribuer à lutter contre l'antibiorésistance, comme se laver les mains, se vacciner, promouvoir la vaccination autour de soi, rapporter les antibiotiques que nous n'avons pas utilisés à la pharmacie, ne pas s'automédiquer, ne pas partager ces antibiotiques. Tous ces gestes peuvent être faits par tout le monde. Ce terme d'antibiorésistance, il est un peu nouveau, mais ça dénote une sérieuse menace sanitaire. Tout à fait. Oui, effectivement, l'antibiorésistance est l'une des menaces majeures pour l'humanité, selon l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. En France, tous les ans, il y a environ 4500 décès attribuables à la résistance bactérienne et une infection à bactéries résistantes. Et dans le monde, il y a 1,3 million de personnes qui sont mortes en 2019 de telles infections à bactéries résistantes, soit plus que les infections liées au VIH et au paludisme. Et les prévisions sont de l'ordre de 2 millions de décès attribuables à l'antibiorésistance en 2050, si nous ne changeons pas nos pratiques et si rien n'est fait. Cette journée du 20 novembre, elle s'adresse donc aux professionnels, mais aussi aux étudiants en santé ? Oui, tout à fait. Elle s'adresse à tous les professionnels de santé et pas que. Il y a également des vétérinaires qui seront présents puisque l'utilisation des antibiotiques se fait en médecine humaine, mais aussi en médecine animale. Et donc, il y a également des vétérinaires qui participeront à nos journées. Des patients aussi, France Asso Santé est convié et aura la parole aussi lors de cette journée pour que justement on puisse sensibiliser largement à cette problématique et également les patients, les familles des patients et les usagers. Cette journée, ça se déroulera le 20 novembre. Pouvez-vous nous redire où et de quelle manière éventuellement des auditeurs qui seraient concernés, professionnels de la santé, pourraient participer? Oui, avec plaisir. Alors cette journée aura lieu, comme les années précédentes, à l'Aquarium de Nancy, juste à côté de la place Stanislas. Donc tous les échanges, les conférences auront lieu à l'Aquarium de Nancy. Et nous invitons tous les participants à un déjeuner à l'hôtel de ville place Stanislas, au premier étage, entre midi et deux, pour suivre les échanges entre tous les acteurs et toutes les personnes concernées par l'antibiorésistance. Toutes les informations sur notre journée sont disponibles sur notre site internet www.antibioest.org où vous retrouvez toutes les actualités et informations pratiques sur notre journée également dans l'agenda. Et tous les outils, tous les acteurs avec lesquels nous travaillons sont également décrits sur notre site internet où vous trouverez avez de nombreuses informations, notamment en cette semaine mondiale qui débute la semaine prochaine, puisque tous les ans, depuis plusieurs années, du 18 au 24 novembre, c'est la semaine mondiale pour la sensibilisation à l'antibiorésistance, avec plein d'outils développés au niveau régional, national, mais européen également. Donc beaucoup d'infos la semaine prochaine à venir, et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux pour avoir toutes les actualités lors de la semaine prochaine et par la suite aussi. Sixième édition de la journée régionale du bon usage des antibiotiques, donc portée par le Centre régional en antibiothérapie du Grand Est. Quel message vous aimeriez qu'il soit retenu lors de cette journée ? Que tout le monde peut s'impliquer, tout le monde doit être sensibilisé à mieux utiliser les antibiotiques pour lutter au maximum contre ce problème de santé publique, l'antibiorésistance. Et ces actions sont portées sous l'égide aussi de l'Agence régionale de santé du Grand Est, qui porte nos actions également, et aussi les acteurs territoriaux. Il y a des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie aussi sur notre territoire, et il y en a 6 actuellement. Et l'idée est vraiment de porter au plus près sur le terrain nos actions auprès des professionnels des hôpitaux, des EHPAD, des cabinets, des médecins généralistes, des chirurgiens dentistes également. Voilà, donc tout le monde peut s'impliquer et peut aider à un meilleur usage des antibiotiques. Merci au docteur Florence Colla, pharmacien hospitalier et responsable du Centre régional en antibiothérapie du Grand Est. Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site www.antibioest.org. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.